La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Avec Baudelaire et Rimbaud, Verlaine est l'un des trois grands. Ces poètes maudits qui ont renouvelé la poésie, mais n'est-il pas le plus méconnu et le plus incompris de ces trois-là? Sa légende le sert et le dessert brouille son image, puisqu'elle mêle l'église à la débauche. Quant à Rimbaud, il lui fait écran. Or, les années Rimbaud ne sont pas toute la vie de Verlaine, et Jean-Baptiste Baronion nous a raconté lundi d'autres moments de son existence, et notamment son enfance. C'était au cours d'une émission que vous pouvez réécouter sur notre site. Et puis hier, avec Henri Sépi, nous avons creusé la relation Verlaine-Rimbaud et vu comment leurs deux œuvres s'entrecroisent l'une avec l'autre. C'est d'ailleurs ainsi qu'elles sont présentées dans le volume regroupant les œuvres de ces deux auteurs dans le Quarto Gallimard intitulé « Un concert d'enfer ». Enfin demain, c'est l'éditeur et poète Guy Goffet qui sera avec nous pour évoquer subjectivement son rapport à Verlaine, un auteur qu'il a découvert sur le tard mais qu'il n'a plus jamais quitté. Et aujourd'hui aujourd'hui, pour parler de Verlaine et l'homosexualité, nous sommes avec vous, Myriam Robic, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de lettres modernes à l'Université de Nantes et à l'IUT de Saint-Nazaire, spécialiste de la poésie française du 19e siècle. Mais vous avez écrit aussi sur l'influence et la fascination que Sappho, la poétesse grecque née aux environs de 650 avant Jésus-Christ, a exercée sur Baudelaire, Banville ou encore sur Verlaine. On ne pense pas immédiatement à faire ce lien et pourtant il existe bel et bien. Oui, tout à fait. Il existe bel et bien. Et justement, à cette période, au milieu du XIXe siècle, ce sont ces poètes qui vont redécouvrir Sappho d'une autre manière. On la connaît en tant que poétesse, mais on la connaît moins justement pour ses mœurs. Une poétesse qui a écrit « Eros a ébranlé mon âme comme le vent dans la montagne quand il s'abat sur les chênes ». Alors si Verlaine aimait particulièrement cette poésie, c'est sans doute, Myriam Robic, qu'elle se confondait un petit peu avec sa vie. Oui, tout à fait. Elle se confondait avec sa vie. Donc Sappho a une vie assez particulière. La dimension politique était importante puisqu'elle a été exilée. Elle a aussi vécu donc sur l'île de Lesbos. Et aujourd'hui, effectivement, le sens, par exemple, du terme lesbienne provient finalement des mœurs de Sappho, hein, puisque on dit qu'elle entretenait des relations avec les femmes sur l'île de Lesbos justement, où il y avait des couvents pour les jeunes filles. Et effectivement, après, elle a adressé des poèmes très connus comme l'Ode à l'aimée ou l'Ode à Aphrodite, et ces poèmes seront dédiés aux femmes, à des femmes qu'elle a aimées. Et donc Verlaine, comment se connecte-t-il à elle? Alors Verlaine se connecte à elle, il s'identifie à elle, alors j'irais de deux manières. Alors j'irais que les poètes du 19e se sont d'abord identifiés à Sappho parce que c'est la poétesse des origines, c'est un petit peu comme Orphée finalement, et donc évidemment les poètes parnassiens vont utiliser Sappho aussi comme un emblème de la poésie lyrique, et dans un deuxième temps, évidemment, certains poètes comme Baudelaire, on va dire que Baudelaire est le premier, a utilisé Sappho aussi pour les connotations érotiques qu'elle peut mettre, dont son nom peut ensuite devenir l'emblème. Donc c'est surtout Baudelaire qui commence, ou qui donne le départ finalement de cette mode du sapphisme. Et puis ensuite, bien sûr, de nombreux poètes vont prendre la suite. Donc on va placer toute cette émission sous l'égide de Sappho. Vous l'entendrez, mais il faut parler aussi de l'homosexualité masculine. Et puis, avant cela, du rapport, plus généralement, de Verlaine avec les femmes qui occupent un rôle très actif finalement dans sa poésie. Tout à fait, les femmes sont très importantes dans la poésie de Verlaine. Il a eu de nombreuses femmes dans sa vie, enfin de nombreuses, en tout cas plusieurs femmes dans sa vie. Vous en avez parlé lundi, il me semble, avec Jean-Baptiste Baronian. Donc tout d'abord, la première femme de la vie de Verlaine, c'est sa mère. Je pense que voilà, tout le monde le sait. Verlaine a évolué vraiment dans un univers féminin depuis son enfance, et puis notamment aussi avec sa cousine Elisa, qui occupe aussi une place très importante, notamment au cœur des poèmes saturniens. Et donc, dans sa création poétique, Verlaine dédie de nombreux poèmes aux femmes, dès les poèmes saturniens. On pense notamment à Mon rêve familier, Femme et chatte. Après cela, évidemment, on retrouve La bonne chanson qui est dédiée à Mathilde. Donc sa femme, qui est très jeune à l'époque, qui a 16 ans. C'est à ce moment-là qu'ils se rencontrent. Ils se rencontrent et puis c'est aussi comme ça qu'il va réussir à séduire Mathilde. C'est grâce à ses poèmes de La bonne chanson. Donc il y a les femmes dans l'œuvre et puis il y a les femmes dans la vie, celles qu'il a aimées, celles qu'il a admirées. Ses amis et puis d'autres écrivaines qu'il a beaucoup même promu. Exactement. On pourrait même presque parler parfois de féminisme à propos de Verlaine parce qu'effectivement il admirait énormément Marceline Desbordes-Valmore. D'ailleurs, dans les romances sans parole, effectivement, la forme de la romance et l'Ariette rendent un peu hommage à Marceline Desbordes-Valmore. Et puis, il consacrera un portrait aussi dans Les Poètes Maudits à Marceline Desbordes-Valmore, qu'il découvre d'ailleurs avec Rimbaud. C'est grâce à Rimbaud aussi, ou à cette période où ils sont ensemble, où vraiment Verlaine découvre finalement cette poétesse. Il admire également Rachilde et puis George Sand. Alors qu'est-ce qu'il dit sur George Sand? Il a cette expression « elle est le génie fait femme ». Oui, le génie fait femme. C'est une expression qu'il utilise souvent pour qualifier justement les femmes qui ont ce génie. Alors ça va être paradoxal ce que je vais dire, mais qui ont ce génie mâle au niveau de l'écriture. Parce qu'à l'époque, évidemment, être une femme en littérature, c'est pas forcément valorisant. Donc le génie mâle de la femme, c'est vraiment la force de l'écriture, la force du style. Alors, les femmes ont un génie mâle. Exactement. Et lui, il a un génie féminin. Exactement. Il a une écriture qui est, alors il faut prendre des pincettes encore une fois avec ce terme, mais que lui-même pourrait qualifier de féminine. Alors lui-même, je pense que il l'assumerait totalement, mais en tout cas, effectivement, la poésie de Verlaine, surtout dans les romans sans parole, peut être qualifiée de féminine, être qualifiée d'écriture féminine. Alors, on va essayer de voir ce que c'est qu'une écriture féminine, juste après avoir écouté un extrait de poème des romans sans parole. Il pleut dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Ô bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, ô le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi, nulle trahison, ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Et voici la suite. Il faut, voyez-vous, nous pardonner les choses. De cette façon, nous serons bien heureuses. Et si notre vie a des instants moroses, du moins nous serons, n'est-ce pas, deux pleureuses? Oh, que nous mêlions, âme, sœur que nous sommes, à nos voeux confus la douceur puérile de cheminer loin des femmes et des hommes dans le frais oubli de ce qui nous exile. Soyons deux enfants, soyons deux jeunes filles, éprises de rien et de tout étonnées, qui s'en vont pâlir sous les chastes charmilles, sans même savoir qu'elles sont pardonnées. Deux Ariettes du recueil Romance sans parole, lu par Guillaume Gallienne. Alors en quoi est-elle féminine, cette écriture de Verlaine? Alors cette écriture de Verlaine est féminine dans le sens, où d'une part Verlaine joue sur l'indétermination sexuelle, déjà d'une part, puisque Verlaine ne dit pas « nous serons bien heureux », il dit « nous serons bien heureuses ». Un peu plus loin, il dit effectivement, et également, du moins nous serons, n'est-ce pas, deux pleureuses. Donc la féminisation de l'écriture est aussi liée déjà à l'indétermination sexuelle, hein, des des personnages ou du sujet des sujets. Et également, je dirais que c'est lié aussi à la forme. La forme de l'Ariette, de la romance, qui sont des formes qui restent vraiment associées à Marceline Desbordes-Valmore. Et ici, vraiment, l'écriture reste vraiment très féminine. On a aussi un univers lexical lié aux fleurs, on parle de charmille, de jeune fille. Donc on est vraiment dans un univers féminin, les âmes sœurs. Donc il y a énormément d'éléments de féminité dans cette écriture. Est-ce que c'est une manière un petit peu voilée de parler aussi d'homosexualité masculine en détournant un petit peu les genres ou pas? Alors c'est possible, puisqu'à cette période-là, justement, Verlaine se pose beaucoup de questions. Hein. Son cœur balance plus ou moins entre Rimbaud, Mathilde. Et d'ailleurs, dans l'Ariette numéro 2, on cite d'ailleurs l'escarpolette à la fin de cette Ariette, et qui est une forme de balançoire. Hein. Et on pourrait interpréter justement le choix de cette escarpolette comme une forme de balancement entre Mathilde et entre Rimbaud à cette période-là, en tout cas. Donc Verlaine est tout de même encore assez jeune à ce moment-là. Oui. Il n'assume pas, comme on dirait aujourd'hui, totalement d'écrire, comme il le fera plus tard, son homosexualité à lui, enfin sa bisexualité, comme il le fera dans Parallèlement. Et du coup, il féminise aussi, comme vous venez le montrer, Marianne Robic, son écriture. Oui, tout à fait. Il féminise son écriture, mais il évoque quand même l'homosexualité très tôt, dès les poèmes saturniens. On a déjà des petites références obliques à l'homosexualité. Et on peut penser à des poèmes comme Marco, avec la fameuse rime homme-sodome, ou alors on peut penser aussi au Dahlia, qui est écrit uniquement en rime masculine. Et puis, évidemment, le fameux recueil qui porte sur l'homosexualité féminine, à savoir Les Amis, qui montre... IES. Oui, tout à fait. Mmh. Et qui montre vraiment que Verlaine a médité très très tôt sur l'homosexualité. Alors qu'il se mariera en 1870. Alors, il faut faire aussi une petite parenthèse pour se demander comment la critique et les lecteurs ont, au fur et à mesure des années, accueilli ce thème de l'homosexualité, qui était évidemment tout de même très tabou au moment de la publication des recueils, et puis évidemment pendant tout le XXe siècle jusqu'à encore très très récemment. Oui. Tout à fait. Alors, évidemment, la question de l'homosexualité, je dirais que c'était un thème qui était courant dans une certaine poésie, dans un certain petit cercle. Hein. On pense notamment au cercle des vilains bonshommes ou aux utistes. D'ailleurs, on connaît le poème, la parodie du poème de Baudelaire écrite par Verlaine et Valade, qui s'intitule « La mort des cochons ». Mais c'est un thème effectivement très tabou. Hein, on peut penser à la censure, évidemment, mais à l'époque, effectivement, les recueils sur l'homosexualité ne peuvent pas être diffusés tels quels. Et d'ailleurs, on sait très bien que les poèmes de Baudelaire qui portent sur l'homosexualité féminine ont été condamnés lors du procès. Parce qu'il y a quand même ce paradoxe que Rimbaud et Verlaine sont des auteurs de l'école, des auteurs étudiés en collège et en lycée, et c'est difficile d'éluder le fait qu'ils ont été amants. Comment est-ce que l'école, alors c'est pas non plus votre spécialité, mais... Non, mais justement, je m'y suis un peu intéressée, c'est vrai qu'on a longtemps caché, finalement, la question... Donc on les présentait simplement comme deux camarades. Alors, je ne sais pas si on les présentait comme deux camarades, mais on n'en parlait pas, tout simplement. Et puis, on présentait surtout Verlaine comme le poète des poèmes saturniens, des fêtes galantes, des romances sans parole, mais Verlaine, ce n'était pas forcément le poète de Parallèlement, le poète des amis, ou le poète d'ombre et de femmes. Donc, évidemment, toute cette partie de l'œuvre était cachée. Et donc, évidemment, on n'en parlait pas à l'école aujourd'hui. Je dirais que maintenant les manuels scolaires sont en train d'être revus et on rajoute effectivement maintenant cette référence à l'homosexualité. Alors les amants sont-ils présents aussi dans l'œuvre? On pense à Rimbaud, Lucien Viotti, Lucien Lettinois. Est-ce qu'ils sont cités, alors peut-être pas nommément, quoique pour Lucien Lettinois il est cité nommément, et de quelle façon? Lucien Viotti, ne me semble pas qu'il soit cité. Par contre, effectivement, Lucien Lettinois apparaît clairement dans le recueil Amour. Il y a une section qui lui est consacrée. Rimbaud Rimbaud, bon, on le sait, hein, dans les romans sans parole, il y a des clins d'œil aussi à son œuvre. Il y a un cycle Rimbaud aussi dans Parallèlement. Hein, il y a plusieurs poèmes qui renvoient très clairement à Rimbaud. Qu'est-ce qui renvoie à Rimbaud dans ces poèmes? Alors, on pense notamment à Laïti et à Terabundi. Hein, où ils racontent leur histoire. Hein. Bien sûr, ils racontent leur histoire. On a des références à l'Angleterre, à la Belgique, le roman de Vivre à deux hommes. On retrouve aussi quelques petits clins d'œil à l'œuvre de Rimbaud, à Ma Bohème. Hein, il le dit d'ailleurs à la fin du poème. Donc, effectivement, il y a énormément de clins d'œil très directs à Rimbaud. Il y a aussi un petit recueil dont on parle moins, qui s'appelle Dédicace, dans lequel Verlaine, d'ailleurs ce recueil devait s'intituler Les Amis, donc voilà, pour faire pendant peut-être aux amis IES, et donc dans ce recueil, il s'agit de sonnets aux amis amants de Verlaine, aux ses amis amants qui ont traversé la vie du poète, et on retrouve donc des sonnets sur Casals, sur Rimbaud. Son ami photographe avec qui il a entretenu une espèce d'amour plus ou moins platonique. Exactement, un peu platonique, tout à fait. Et puis, alors, le fameux Bibi la Purée. Alors, le fameux Bibi la Purée, qui était un clochard assez connu dans le quartier de la Bohème. Et donc, il parle de cet amant aussi dans sa poésie. Toutes deux regardaient s'enfuir les hirondelles. L'une pâle, aux cheveux de jais, et l'autre blonde et rose. Et leur peignoir léger de vieille blonde, vaguement serpenté, nuages autour d'elle. Et toutes deux, avec des langueurs d'asphodèle, tandis qu'au ciel montait la lune molle et ronde, savouraient à longs traits l'émotion profonde du soir et le bonheur triste des cœurs fidèles. Telles, leurs bras pressants, moites, leur taille souple, couple étrange, qui prend pitié des autres couples, telles, sur le balcon, rêvaient les jeunes femmes. Derrière elles, au fond du retrait riche et sombre, emphatique comme un trône de mélodrame, et plein d'odeurs, le lit des fées s'ouvrait dans l'ombre. Savamment, longuement, la langue suave explore la cavité ouatée du sexe féminin offert, s'abreuvant de la mer jaillissant des profondeurs, contournant la rouge protubérance propulsée vers l'extérieur. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors on vient d'entendre Sur le balcon, c'est le sonnet d'ouverture du recueil Les Amis IES qui date de 1867, lu par Michael Lonsdale. À quoi pensiez-vous, Myriam Robic, en l'écoutant ? À quoi je pensais ? Eh bien, je pensais au couple qui est mis en scène dans ce poème. Deux jeunes filles. Hein, deux parce jeunes que filles. Ça commence par des jeunes filles et puis ça se terminera par Sappho, on va le voir. Par Sappho, en effet. Donc là, finalement, Verlaine ouvre ce recueil de manière très soft, je dirais, avec ce couple qui est sur le balcon, avec la lune. Alors la lune, c'est un symbole évidemment très féminin. La lune est un symbole très féminin et un symbole aussi grivois chez Verlaine. Donc, on pourra en reparler peut-être plus tard, mais ou maintenant. Mais la lune, effectivement, est un astre très important chez Verlaine. Et il apparaît dans de nombreux recueils. Hein, d'ailleurs, dans Parallèlement, on a une section qui s'intitule Lune, et cet astre apparaît quasiment dans tous les recueils de Verlaine. Il apparaît d'une part comme un témoin, par exemple, des amours ici, hein, témoin, mais aussi. De manière totalement parodique et comique, puisque la lune, ce sont aussi les fesses. La lune semble veiller sur l'amour de ces deux femmes. On a l'impression que Verlaine est très empathique avec elle. Il n'y a pas du tout l'homme qui regarde la femme avec du désir. Il y a simplement la constatation d'un amour dont le poète finalement est exclu, mais qu'il semble quand même respecter très profondément. Oui, alors il y a un respect effectivement profond, mais il se place quand même, je dirais, dans une position de voyeur, plus ou moins. Parce qu'à la fin, hein, on a bien entendu hein, la pointe du sonnet, hein, et plein d'odeurs, le lit défait s'ouvrait dans l'ombre. Donc là, on a une suggestion érotique évidente. Et donc finalement, progressivement d'ailleurs, hein, au fur et à mesure des sonnets des amis, le poète va être plus ou moins à la fois témoin, il a plusieurs rôles, mais il est aussi voyeur. On va écouter un autre extrait de ce recueil Les Amis, lu à présent par Marie-Josée Natt, c'est le poème Les Pensionnaires. L'une avait 15 ans, l'autre en avait 16. Toutes deux dormaient dans la même chambre. C'était par un soir très lourd de septembre. Frêle, des yeux bleus, des rougeurs de fraises. Chacune a quitté pour se mettre à l'aise la fine chemise au frais parfum d'ambre. La plus jeune étend le bras et se cambre, et sa sœur, les mains sur ses seins, la baise. Puis tombe à genoux, puis devient farouche et tumultueuse et folle, et sa bouche plonge sous l'or blond dans les ombres grises. Et l'enfant, pendant ce temps-là, ressent sur ses doigts mignons des valses promises, et Rose sourit avec innocence. How do you tell a son that his daddy left his mom when she fell in love with a girl like you? With a girl like Sappho. Et de celui-ci, Marianne Robic, que retenez-vous? Alors, dans ce sonnet, je pense que tous les auditeurs auront noté la jeunesse de ces deux jeunes femmes. Donc là, il s'agit d'une scène qui se passe un peu dans un pensionnat, évidemment. Et ce qu'on retient, c'est finalement le saphisme apparaît peut-être à cette période, en tout cas comme une sorte d'apprentissage à la sexualité, où deux jeunes filles font un peu l'expérience justement des caresses, du désir, etc. Donc c'est une vision du monde, là, oui. Parce que le recueil va se terminer avec le poème Sappho, qu'on entendra si on a le temps, j'espère que oui, où on se rend compte que Sappho finalement choisit l'hétérosexualité. Oui. Et pas l'homosexualité. Et c'est un peu comme si Verlaine nous disait les caresses entre les jeunes filles, c'est avant le mariage, c'est avant que ça devienne sérieux. Tout Vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est sous-jacent dans le texte? Mais je pense que c'est une des interprétations de ce recueil. C'est-à-dire qu'effectivement, la dramatisation finale qui apparaît dans le sonnet Sappho à la fin prouve que finalement, effectivement, l'homosexualité féminine est réservée, je dirais, effectivement, au jeune âge. Au temps de l'apprentissage, et ensuite dramatisation, renversement des valeurs aussi dans le sonnet final, puisqui inverse les quatrains et les tercets. Oui, alors ça, il faut dire un mot là-dessus, voilà. C'est très intéressant. Et donc, effectivement, finalement, c'est le mariage qui va prendre l'ascendant, finalement, sur cette sexualité. Alors, sur cette inversion des quatrains et des sonnets, Huysmans avait dit que Verlaine retournait la queue en l'air, son poème, mais c'est une manière de remettre dans le droit chemin un poème qui était à l'envers. Comment vous l'interprétez? Effectivement, il y a plusieurs interprétations possibles. Mais en tout cas, ce qui apparaît, c'est que tous les sonnets de Verlaine, effectivement, qui sont inversés, c'est-à-dire dans lesquels Verlaine a inversé les quatrains et les tercets, possèdent des connotations homosexuelles. Et donc on en a un autre exemple, c'est le Bon Disciple, c'est donc un sonnet inversé aussi, et ce sonnet avait été saisi par la police lorsque Verlaine avait été arrêté en 1873, lorsqu'il avait tiré sur Rimbaud. Et donc effectivement, il faisait partie des manuscrits qui révélaient plus ou moins aussi l'homosexualité du poète, avec d'autres lettres qu'il avait adressées à Rimbaud. Et là aussi, c'était un sonnet inversé. Donc une preuve d'une certaine façon. Oui, une preuve évidemment, d'une certaine façon, puisqu'après il aura l'examen effectivement très désagréable, un examen médical qui prouvera... plus que désagréable, extrêmement horrible, humiliant, où donc il s'agit de définir si il a eu des pratiques en effet homosexuelles avec des techniques à la fois barbares et sans doute pas très efficaces. Et tout on a fait. Découvert en fait cela dans les années 80 finalement, en 1985. Oui, tout à fait. On a découvert ça plus tard. Alors on a le temps d'écouter le poème Sappho, je vous propose de le faire tout de suite. Furieuse, les yeux caves et les seins roides, Sappho que la langueur de son désir irrite comme une louve court le long des grèves froides. Elle songe à Fan, oublieuse du rite, et voyant à ce point ses larmes dédaignées, arrache ses cheveux immenses par poignées. Puis elle évoque en des remords sans accalmie ces temps où rayonnait pur la jeune gloire de ces amours chantés en vers que la mémoire de l'âme va redire aux vierges endormies. Et voilà qu'elle abat ses paupières blêmies et saute dans la mer où l'appelle la moire, tandis qu'au ciel éclate, incendiant l'eau noire, la pâle Sélénée qui venge les amis. Thank you. cette fois-ci une lecture de Jean-Yves Berthelot. Même chose, j'ai envie de vous demander un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre. Alors tout à l'heure, nous avons parlé justement de cette inversion donc des quatrains et des tercets, et puis on la retrouve évidemment dans ce poème final de clôture, je dirais, de ce recueil, ce petit recueil de six sonnets. Et donc tout à l'heure, nous avions parlé d'échec finalement presque de l'apprentissage de la sexualité des jeunes filles qui font finalement se marier. Mais on aurait pu aussi penser à d'autres éléments, peut-être aussi à une bisexualité assumée. Comme Sappho, tout simplement, qui va trahir le rite, et puis finalement elle ne supporte pas de trahir ce rite, mais elle se jette par désespoir dans le vide, mais elle se jette peut-être pour deux raisons. C'est à la fois parce qu'elle a trahi le rite lesbien, et aussi parce qu'elle ressent cet amour malheureux pour Phaon. Et peut-être une autre interprétation encore sur ce dernier sonnet, un sonnet inversé aussi, peut-être pour dramatiser le renversement des valeurs. Hein, par rapport à l'homosexualité, un renversement des valeurs et des normes de la sexualité admise, peut-être, de manière tout à fait symbolique. Alors, ce qu'on n'a pas dit, Myriam Robic, c'est comment ce recueil a été édité. Oui. Parce que c'est aussi toute une histoire qui raconte bien la censure de cette époque-là. Il a été publié une première fois en 1867, sous un pseudonyme, pour commencer. Tout à fait. Il a été publié en Belgique. Donc par le fameux Poulet Malassis qui avait publié aussi les épaves de Baudelaire. Donc c'est une forme d'hommage aussi probablement et sous un pseudonyme. Donc un pseudonyme Pablo de Arlagnez, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Et donc d'ailleurs il avait utilisé quasiment le même pseudonyme pour publier Monsieur Prudhomme en 1863. Donc il affectionne particulièrement ce pseudonyme et il le dira d'ailleurs dans sa correspondance. Et donc après avoir publié ce recueil chez Poulet Malassis, le recueil va être saisi à Lille avec d'autres livres licencieux et sera condamné par le tribunal de Lille pour outrage à la morale et aux bonnes mœurs. Et donc d'ailleurs à cette époque, hein, on sait que l'homosexualité a été dépénalisée donc en 1810, mais tout ce qui circule sur l'homosexualité peut être condamné finalement en utilisant d'autres mobiles, comme outrage à la morale, outrage aux bonnes mœurs, etc. Ouais. Voilà. En sera-t-il de même avec un recueil qui là pour le coup est nettement plus pornographique, qui est le recueil, alors je ne sais pas s'il faut prononcer Hombres à l'espagnol ou Ombre, parce que ça s'écrit H-O-M-B-R-E-S. Pour vous, il faut le prononcer Ombre. Oui, je dirais Ombre, mais les deux sont acceptables, je crois, parce que d'une part, Ombre signifie homme en espagnol, et donc c'est un recueil consacré sur l'homosexualité féminine, pardon. Et puis, on peut aussi finalement le prononcer Ombre, puisque il s'agissait pour Verlaine de parler de la vie des homosexuels dans l'ombre. Ouais. Donc je pense que les deux, on peut dire les deux. Donc c'est quand même, c'est un recueil sur l'homosexualité masculine. Tout à fait. Cette fois-ci. Oui, hein. Exactement. Donc on a d'ailleurs pensé à une période, c'est probablement le cas, hein, on n'a pas forcément de preuves, mais que Verlaine avait pensé à un triptyque. À un triptyque homosexualité féminine, donc avec le recueil Les Amis, publié en 1867, hétérosexualité avec le recueil Femmes, et Ombre pour l'homosexualité masculine. D'où on comprend là la fluidité du désir verlainien. Tout à fait. Alors dans ce recueil Ombre, on y célèbre par exemple les beaux petits amis Ganymède. Donc il y a des références à la Grèce antique, puisque Ganymède est un amant de Zeus. Oui. Quelles sont les références globalement qui traversent ce recueil ? Alors, il y a de nombreuses références, justement, qui vont de la Grèce antique au monde contemporain. Je dirais que Verlaine a vraiment essayé de retracer une sorte de généalogie. Il a essayé vraiment de se placer dans une sorte de tradition aussi, hein, il a essayé de se placer dans une lignée, comme il l'avait fait d'ailleurs pour Sappho dans Les Amis, hein, l'amante un petit peu lesbienne des origines. Et là, c'est exactement la même chose dans Ombre. Hein, bon, il va citer Ganymède, mais il va citer également Louis de Bavière. Il va citer également d'autres personnages et d'autres mœurs. Il va citer Rome également, les mœurs aussi donc de l'Antiquité. Et puis il va citer également César Borgia aussi, mais ça sera beaucoup plus tôt. Ça sera pas dans Ombre. C'est au début, au tout début, à la même période que les poèmes saturniens. Il publie un diptyque qui s'intitule César Borgia et Henri III. Et là aussi, on a des références aux fameux amis. IS. Mais là, pour le coup, comme je le disais, on est vraiment dans la pornographie. Tout à fait. On est dans la pornographie, mais plus ou moins parfois humoristique. Il y a un côté humoristique quand même dans ses poèmes. On ressent quand même une forme de joie de vivre. C'est scabreux, mais il y a quand même une forme d'humour. Et puis, ce sont des poèmes aussi qui sont destinés à provoquer le lecteur. Donc ça marche plus ou moins bien quand même. Enfin, en tout cas, la critique n'a pas trouvé ça très drôle, non, globalement. Non, la critique n'a pas trouvé ça drôle du tout. On parlera justement de la question de l'humour dans la suite de cette émission. Ce sera juste après la chronique de Philippe Thureau d'Engin. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Philippe Thureau d'Engin, directeur de la maison d'édition Exil et éditeur de Papier, la revue de France Culture. Bonjour Philippe. Bonjour Mathieu. Avec un numéro 28 de Papier particulièrement littéraire. Et oui, avec beaucoup d'articles et puis un questionnaire inédit. Nous avons interrogé à peu près 80 écrivains pour savoir pourquoi ils écrivaient. C'est-à-dire que nous avons repris un peu le fameux questionnaire de 1919. De 1919, il y a un siècle, lancé par Breton, Soupeau et Aragon dans leur revue Littérature. Et eux, c'était un peu pour piéger les écrivains de cette époque-là, et d'ailleurs les réponses sont assez comiques parfois en 1919. Nous, c'est plus sérieux. Alexandre Arce, par exemple, répondait « parce que ». Voilà. Paul Morand, « pour être riche et estimé », ça lui allait bien d'ailleurs. Exactement, et Valérie, qui avait eu le temps de préparer sa réponse, a dit « par faiblesse ». Donc, après, il y a eu un autre questionnaire lancé par Libération en 1985, qui, eux, avaient l'ambition de couvrir la littérature mondiale. Là, dans la revue Papier, c'est un petit peu plus serré. C'est-à-dire que nous avons surtout interrogé des écrivains français et autour d'une question qui est non seulement pourquoi écrivez-vous, mais pourquoi écrivez-vous dans une époque où l'image est devenue reine, est devenue prédomine autant. Parce qu'évidemment, on a le sentiment, un peu tous, même si nous aimons beaucoup lire, nous aimons beaucoup la littérature, on a le sentiment que la littérature s'est un peu déplacée, qu'elle est devenue un peu excentrique. Et donc, vous verrez les réponses des 54 écrivains. Donc, il y a des gens très connus comme Christine Angot ou François Bégodeau ou Gérard Modillat. Il y a des gens moins connus. Il y a un poète, il y a une auteure de théâtre. Donc Christine Angot, elle répond « parce que j'aime ça ». C'est peut-être la plus Sandra Arcienne, finalement, de ce que vous avez interrogé. Et la plus François Sagan aussi, parce que François Sagan, en 1985, avait dit « parce que j'adore ça ». Donc, effectivement, c'est assez proche. Ah, comme quoi, il y a un degré d'intensité en moins, mais enfin. Voilà, mais en tout cas, vous verrez, les réponses sont parfois beaucoup plus longues que ça. Et certains ont refusé la question en disant « les images ne nous dérangent pas, la littérature dit beaucoup d'autres choses ». D'autres discutent effectivement de savoir si les mots ont encore leur place aujourd'hui. Et puis toujours dans ce gros dossier « à quoi bon la littérature ?», vous avez demandé à des producteurs de France Culture d'évoquer les livres de toutes les époques qui permettent, selon eux, de mieux comprendre l'actualité, Philippe. Oui, parce que l'actualité est assez troublante et troublée. Depuis quelques mois, depuis quelques années. Et l'idée, très simple, c'est de se dire, est-ce que justement la littérature a pour fonction, sans doute, de nous faire comprendre d'une façon différente du journalisme, bien sûr, la réalité de ce monde. Et donc, les producteurs ont eu des choix très originaux, parce qu'il y a à la fois des choses très connues, comme Philippe Roth ou comme Tom DeLillo. Oui. Voilà. Et il y a des choses plus étonnantes. Par exemple, il y a un Simenon, La fuite de Monsieur Monde, qui a été sélectionné parmi les 30 livres. Et quand on lit ces livres, on relit ces livres, le lecteur pourra eh bien, effectivement comprendre la complexité du monde. Alors pour terminer, un mot sur ce concept de littérature monde sur lequel vous revenez en rappelant que c'est un concept qui a été forgé par Goethe lui-même. Goethe était un grand lecteur, comme vous le savez. Il lisait extrêmement bien toute la littérature française, mais il était un petit peu agacé par justement la domination du français, de la littérature française et des écrivains français. Et il s'est dit, bon, la question n'est pas une question nationale contre une autre nation, mais il avait une grande curiosité. Il lisait toutes les traductions qu'il pouvait trouver, du sanskrit, des livres indiens, etc., etc., avec ce concept qu'il a forgé, qui est aujourd'hui assez connu, de littérature monde, à savoir que la littérature est effectivement l'apanage de personne. Mmh. Merci beaucoup Philippe Thureau d'Engin. Tout cela et bien plus encore à retrouver dans Papier, le magazine de France Culture dont vous êtes l'éditeur. Il est disponible en librairie et aussi en kiosque à partir de demain. Compagnie des auteurs, troisième jour de notre émission consacrée à Paul Verlaine à l'occasion du 20e printemps des poètes. Nous sommes avec Myriam Robic, professeure de lettres modernes à l'Université de Nantes et l'IUT de Saint-Nazaire pour parler de la vision du poète sur l'homosexualité masculine comme féminine. Et pour repartir dans cette deuxième partie, je vous propose d'écouter la ballade de Sappho lue par Michael Lonsdale. Douce main de maîtresse et d'amant, passe et ris sur ta chair chère en fête. Ris et jouis de ton jouissement. Pour la servir, tu sais bien qu'elle est faite, et ton beau corps, faut que je le dévête, pour l'enivrer sans fin d'un art nouveau, toujours dans la caresse, toujours prête. Je suis pareil à la grande Sappho. Laisse ma tête errant et s'abîmant à l'aventure, un peu farouche, en quête d'ombre et d'odeur et d'un travail charmant, vers les saveurs de ta gloire secrète. Laisse rôder l'âme de ton poète partout, par là, champ ou bois, mont ou veau, comme tu veux, et si je le souhaite, je suis pareil à la grande Sappho. Je presse alors tout ton corps goulûment, toute ta chair contre mon corps d'athlète, qui se bande et s'amollit par moments, heureux du triomphe et de la défaite, en ce conflit du cœur et de la tête, pour la stérile étreinte où le cerveau vient faire enfin la nature complète. Je suis pareil à la grande Sappho. Prince ou princesse, honnête ou malhonnête, quiconque grogne, et quel que soit son niveau, trop su poète ou divin proxénète, je suis pareil à la grande Sappho. Alors Myriam Robic, quand Verlaine écrit « Je suis pareil à la grande Sappho », qu'est-ce qu'il veut dire ? Alors, Verlaine est pareil à la grande Sappho, tout simplement puisqu'il s'identifie à cette figure dont il parle déjà en 1867. Et il est pareil à la grande Sappho puisque c'est un poète bisexuel. Et Sappho, on sait qu'effectivement, elle avait un penchant à la fois pour les femmes, et puis sa vie se termine effectivement sur son suicide, justement par amour pour Phaon, pour un homme. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, en plus de ce que vous dites, quelque chose qui est de l'ordre de la provocation et quelque chose qui est de l'ordre de l'humour, puisqu'on parlait d'humour tout à l'heure. Tout à fait, de l'ordre de la provocation et de l'humour. D'ailleurs, dans ce poème, il y a de l'humour. Moi, il y a une chose qui me fait rire quand j'écoute ce poème, lorsqu'il dit « toute ta chair contre mon corps d'athlète ». Oui, on sait que Verlaine, à cette époque, en plus, après ses séjours nombreux à l'hôpital, on n'avait pas du tout un corps d'athlète. Hein. Donc, ce poème est plein d'humour et de références provocatrices, tout à fait. Et d'autodérision. Et d'ailleurs, dans cette section, Lune, parallèlement, on retrouve cette autodérision un peu partout. Il y a de nombreux autoparodies à la manière de Paul Verlaine. Il y a des poèmes saturniens. On retrouve plein d'autoparodies dans cette section. Et d'ailleurs, cette section s'intitule Lune. Et c'est pas du tout anodin, puisque la Lune est aussi l'astre de l'homosexualité féminine dans Les Amis. Alors, l'humour, hein, vous l'avez étudié en particulier chez Verlaine, dans ce que vous avez appelé la cuisine érotique de Verlaine. Oui. Ceux qui souhaiteraient lire le texte en entier, je donne la référence. Il a été publié dans le numéro 14 de la revue Verlaine et vous l'aviez sous-titré, je crois, « Des rougeurs de fraises aux écrevisses fraîches, la cuisine érotique de Verlaine ». Alors, racontez-nous un petit peu tout ça. Alors, je me suis intéressée effectivement aux références culinaires qui apparaissent dans la poésie de Verlaine pour voir un petit peu l'évolution esthétique de Verlaine au fur et à mesure des années. Et en m'intéressant d'abord aux amis, on voit bien qu'on est plutôt dans la gourmandise, dans la sensualité, mais une sensualité gourmande encore très timide. Alors, par exemple ? Alors, on peut penser aux rougeurs de fraises. Des jeunes filles, hein, donc ces métaphores quand même qui restent de l'ordre vraiment de la gourmandise, des fruits, etc. Et au fur et à mesure des années, on passe après effectivement au recueil plus pornographique, eh bien on passe à une forme de gloutonnerie. Et là, on peut citer des exemples, évidemment. Moi, je pense à un vers en particulier, c'est surtout... les fesses de l'amant qui sont comme un bon pain qu'on enfourne. Donc c'est aussi humoristique évidemment, mais on passe vraiment de la gourmandise à une forme de gloutonnerie. Il y a énormément de références culinaires, que ce soit les fruits, les légumes, les plats en sauce, il y a de tout. Et alors, pourquoi les écrevisses fraîches ? Alors je me suis intéressée aux écrevisses fraîches qui apparaissent donc dans le poème à celles qu'on dit froides, qui est un poème qui a été publié dans Femmes. Et donc, je me suis intéressée à cette référence parce que les écrevisses font partie du mode de vie bourgeois, c'est-à-dire de la nouvelle manière ou la nouvelle gastronomie bourgeoise. D'ailleurs, on retrouve des références aux écrevisses, aux homards, aux turbots dans l'éducation sentimentale de Flaubert, dans Madame Bovary. Et donc, cette référence m'a interpellée. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être aussi une petite référence idéologique derrière tout ça. Donc, idéologique ? Idéologique, je me suis dit finalement cette amante dont l'odeur est associée à celle des écrevisses fraîches, pourrait être vraisemblablement d'origine bourgeoise. Parce qu'elle mange des écrevisses. Parce qu'elle a l'odeur des écrevisses fraîches. Donc elle en a mangé. Elle en a certainement mangé. Un petit peu plus loin, Verlaine nous dit, mais, alors elle a une odeur d'écrevisse fraîche, mais elle a aussi des tétins d'infante. Donc là, je me suis dit que bon, il était fort possible qu'il s'agisse donc d'une femme d'origine bourgeoise, et en faisant quelques recherches, on peut rapprocher ce poème de Mathilde Mottet. À cette période-là, Verlaine avait écrit quelques textes. Femme de Verlaine. Justement, l'ex-femme de Verlaine. Et finalement, en lisant bien ce poème, on peut se dire que Verlaine, à travers la fusion des corps, propose une sorte d'égalité sociale dans la sexualité. Il n'y a plus de frontières. De frontières idéologiques ou politiques ou même financières dans la fusion des corps. Donc c'est un pied de nez aux bourgeois, aux puritains aussi. Pour moi, c'est un pied de nez aux bourgeois, aux puritains. Cette manière effectivement de déguster la bourgeoise devient finalement très très ironique mais en même temps humoristique. Alors on déguste la bourgeoise, mais on déguste aussi les ouvriers faubouriens ou ruraux. Et ça aussi, c'est politique selon vous ? Alors est-ce que c'est politique ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on retrouve chez Verlaine un érotisme associé tout de même aux classes populaires. Ça se vérifie surtout dans Ombre, hein, puisqu'on retrouve effectivement, comme vous l'avez dit, hein, les ouvriers. Alors Verlaine parle d'amants qui n'appartiennent pas aux classes riches. Il parle d'ouvriers faubouriens ou ruraux. dans Milletré, dans Ombre, il affirme qu'il goûte, il les goûte en habit de travail, côte et veste. Et puis bien sûr, dans la section filles, on retrouve aussi les noms ou les petits surnoms des prostituées qu'il fréquentait à l'époque, hein, que ce soit Castapiana, la princesse Rouquine, et puis dans Femmes, on retrouve aussi les amantes à la bonne franquette. Ouais. Les filles des rues. Mmh. Donc on est vraiment quand même dans un érotisme associé aux classes sociales les plus modestes. Donc il y a de la gloutonnerie, et cette gloutonnerie, c'est bon, par exemple le cou de la femme qui est, je cite, gras comme du miel, dans son honneur, c'est la chair féminine humée comme une soupe, et le ventre féminin entre deux friands hauts de cuisse qui parlent de sauce et d'épices, ça c'est dans Femmes. Mmh. Est-ce que ça nous laisse entendre, parce qu'il est vraiment question ici d'entendre, c'est que la poésie, elle est toujours là. Oui. Et la façon dont Verlaine utilise par exemple l'allitération, la paronomase, c'est-à-dire l'utilisation dans une même phrase de mots dont les prononciations se ressemblent, font poésie et font gloutonnerie en même temps. Oui, certainement. L'association des deux, propose une forme de gloutonnerie poétique aussi, certainement. Hein, ça, c'est indéniable. Mais ce qu'on retient surtout de cette forme de gloutonnerie aussi poétique, c'est que le poète joue avec les mots. Il est là pour jouer avec les mots qui renvoient à l'aspect culinaire, à la gastronomie, et joue aussi de ce point de vue-là avec la poésie, par des paronomases. Et d'ailleurs, on en retrouve de nombreux exemples, frugal, fringale, ce genre d'association dont Verlaine raffole. Il adore faire des calembours aussi, donc effectivement, parfois, la paronomase permet d'associer des termes aux sonorités assez proches et de provoquer aussi, finalement, le rire. Et ça dit aussi que l'acte d'amour pour Verlaine, c'est vraiment du jeu. C'est vraiment là qu'il n'est plus dans le souci des adultes d'une certaine manière. Il est là, oui. Il s'amuse. Il s'amuse beaucoup. Et dans Ombre, il y a aussi cette part d'amusement. Hein. Je sais que Steve Murphy avait parlé à un moment donné d'érotisme ou de pornographie ou de versant pipi-caca de la poésie de Verlaine dans Ombre. Ça existe aussi. Voilà, tout à fait. Et donc, il reste vraiment dans le jeu parfois enfantin. Donc c'est vrai que si on prend ça au premier degré, évidemment, on ne sera pas forcément sensible à son humour. Alors j'ai un autre exemple. Gros grou... Alors c'est pas facile à lire, évidemment. Gros goulour ou frugal fringale, mais aussi ma douce main de maîtresse et d'amant, passe et rit sur ta chair en fait, rit et jouit de ton jouissement. Ça c'est dans Ballade Sappho. Dans d'autres textes, il y a le corps qui devient pulsion carnassière. Et là, on n'est pas loin de Sade, on n'est pas loin du vampirisme aussi. C'est-à-dire qu'on mange, mais on mange jusqu'à sucer le sang, quoi. Exactement. Oui, on retrouve effectivement ce vampirisme par le biais de la gloutonnerie. Tout à fait. Et d'ailleurs, certains poèmes de Verlaine, ils font clairement référence. Il y a un poème qui s'intitule Sadisme, d'ailleurs, qui associe la sexualité au vampirisme. Ouais. On en retrouve un exemple. Sinon, il y a aussi d'autres références à Sade dans la poésie de Verlaine. Après, Verlaine ne va pas jusqu'à la brutalité extrême de Sade. On reste quand même... C'est un lecteur de Sade ? Je pense qu'il connaissait Sade, Après, dire que c'était un grand lecteur de Sade, je ne sais pas. Il faudrait revérifier et relire les confessions. Il n'y a pas de sadisme quand même chez Verlaine ? Non. Il n'y a pas de sadisme chez Verlaine, il y a juste des références à Sade. Et éventuellement, certaines métaphores ressemblent aux métaphores, par exemple, culinaires qu'on pourrait retrouver chez Sade, mais ça s'arrête là. I love women, but I'm thinking of giving in. I love women, but what's the point in arguing with the men from boarding schools and building sites? Have told me I'm homosexual all my life. One stop past embankment and the cops begin. Hell hath no fury like an insecure Englishman. You don't need psychoanalysts to translate this. There is an open homosexual in our midst. The homosexual they call me, it's all the same to me. expected, they projected. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons toujours de Verlaine en cette troisième émission de notre série avec aujourd'hui Myriam Roby, qu'il faut dire quand même qui a une forte vulgarité hein, oui. Chez Verlaine, parfois à la limite de ce qui est agréable à lire. Tout à fait. Il y a vraiment un côté très provocant. Vous avez peut-être des oui. exemples à nous donner. Oui, alors si vous le souhaitez. Oui, bien sûr. Des exemples provocants. Alors pour l'époque en tout cas, déjà le fait d'associer la poésie lyrique à un contenu déjà pornographique ou scatologique. Scatologique carrément, on peut ouais. le dire. Bah, déjà en soi, c'est assez déjà novateur et puis bien sûr très provocateur. Alors un exemple oui de femme peut-être du recueil érotique Femme, dans un poème de femme intitulé Hommage dû, on retrouve une rime stéréotypée de la poésie romantique. Lire des lyres, c'est une rime qu'on retrouve très traditionnellement dans la poésie romantique. Et Verlaine, lui, il va la réutiliser en l'associant à un contenu évidemment bon, presque pornographique. Et là, évidemment, c'est choquant pour l'époque. Mmh. Donc évidemment, on n'a pas le même seuil de tolérance au XIXe siècle et aujourd'hui. Hein, et donc lui, il affirme « régal final, dessert du con bouffé, délire, de ma langue arpant les plis comme une lyre ». Ouais. Donc là, on a l'association du lyrisme, d'un lyrisme vraiment détourné, perverti, associé donc aux fesses de la femme. Ouais. Bon, et puis il y a même des choses pires, il y a d'autres choses, entre guillemets. Exactement. Mais est-ce que le rapport de Verlaine à la vulgarité est aussi quelque chose qui vous interpelle ? C'est-à-dire, en fait-il réellement de la poésie ? En fait-il de l'esthétique ? Est-ce une arme anti-bourgeoise ? Est-ce une manière de se défouler lui-même ? Comment est-ce que oui. vous le voyez, vous ? Alors moi, je le vois comme une forme de provocation vis-à-vis du lecteur. C'est-à-dire que... Donc c'est un rapport au lecteur, quand je même. Je pense que c'est un rapport au lecteur. Il y a une sorte d'effet programmé. Hein, il s'agit de provoquer le bourgeois, par exemple. De le provoquer. Alors, il y a plusieurs réactions hein, programmées, parfois, pour les poèmes. Hein, il s'agit d'abord de provoquer le bourgeois, de le pousser à se mettre en colère, ou alors de le faire rire. Il y a plusieurs possibilités. Mais pour moi, cette utilisation de l'argot, elle renvoie au lecteur directement. Les poèmes sont un peu tournés vers la réception, si bien que l'argot est destiné effectivement soit à mettre en colère le lecteur dans le cas du poème justement d'ombre où il associe la merde et le fromage. Donc là évidemment on comprend tout de suite la référence. Et là on sent un peu l'enfant qui rigole. Tout sous à fait. Cap, hein. Et là on parlait de versant pipi caca, on y est vraiment. Et pour moi vraiment tout est destiné à provoquer le lecteur. Est-ce qu'il a un sentiment de qui est son lecteur, selon vous ? D'ailleurs, qui était le lecteur de Verlaine à l'époque ? Alors, le lecteur de Verlaine, à cette époque, en tout cas, si on parle des recueils érotiques, ces recueils, déjà, on sait qu'ils étaient publiés sous le manteau. Donc souvent, ces recueils étaient lus par un cercle restreint quand même. Donc ça, même. Il le sait quand il l'écrit. C'est des clins d'œil. À des gens qui, bon, savent ce qu'ils vont lire. Exactement. Et puis, bien sûr, parfois, il y a certaines métaphores argotiques qui sont repérées immédiatement par les écrivains de l'époque qui pratiquent exactement, ou qui utilisent en tout cas, exactement les mêmes métaphores. Hein, on pense, par exemple, au petit cœur, qui est une métaphore du sexe masculin. Et ça, évidemment, les initiés connaissent bien la métaphore, et c'est pareil pour le saphisme. Hein, le saphisme, la référence à Sappho, est un alibi culturel pour parler de l'homosexualité féminine, et un petit groupe qui est habitué à lire des poèmes sur le saphisme le sait. Et en même temps, il y a toujours la religion en embuscade. Oui. Et il y a toujours la volonté de mettre les deux pas trop loin l'un de l'autre, la exactement. Vulgarité d'un côté et puis bon, la foi, la transcendance de l'autre. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui interpelle chez Verlaine, c'est que dans les recueils les plus pornographiques finalement, il y a quand même une prépondérance de la religion, du religieux, et on a de nombreux exemples. Hein. D'ailleurs, dans Les Amis, c'est pareil, hein, on retrouve énormément de référence à la religion. Hein, on parle du stigmate christique, hein, à propos des lesbiennes, et on retrouve exactement la même chose dans Ombre. Et là, bon là évidemment les images vont beaucoup plus loin, puisque c'est le sexe de l'amant qui est associé à un évêque au cœur, il est plein d'onction, sa bénédiction va de l'autel au cœur, donc évidemment là on va encore plus loin. Et ce qui paraît paradoxal chez Verlaine, c'est que dans ses recueils les plus provocateurs, les plus pornographiques, eh bien on retrouve énormément de références religieuses, et tout ça se passe après sa confession. Donc finalement, il n'aura jamais été aussi blasphématoire qu'après sa conversion. C'est ce qui paraît vraiment contradictoire. En deux mots, le corps et l'âme sont une seule et même chose. C'est par le plaisir du corps qu'on atteint la transcendance chez Verlaine. Oui. Oui, certainement. Puis il y a cette question aussi de l'homo duplex chez Verlaine, hein, cette association du mysticisme et de la sensualité qui est caractéristique de son œuvre, et surtout de Parallèlement, par exemple. Merci beaucoup Myriam Robic. Je rappelle que vous êtes donc professeure de lettres à l'Université de Nantes et à l'IUT de Saint-Nazaire, autrice notamment de Femme d'année, Saphisme et poésie 1846-1889 chez Classique Garnier, publié en 2012. Vous avez aussi participé à la rédaction du dictionnaire Verlaine qui est à paraître chez Classique Garnier également. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Laurence Genepin, Laurence Millet, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Garance Mazelier et Morgane Danan. Demain, un dernier regard sur Verlaine avec le poète Guy Goffet qui nous parlera, non pas en spécialiste mais en amoureux, de son rapport à ce poète. Tout de suite, on retrouve Jacques Bonafé et des lectures d'autres poésies. Bonjour, bonjour la compagnie. Que fait-on au purgatoire ? On n'est pas là pour expier, on est là pour purger, purifier nos péchés. Avec l'intercession des vivants et leurs prières peuvent réduire le temps du châtiment. Pensez-y, pensez-y. Lorsque s'achève une partie de dés, nous dit Dante, celui qui perd se retrouve mari et s'exerce à répéter les coups navrés. Avec l'autre s'en va tout le public. L'un le précède et l'autre au dos le prend, et on le serre, on se rappelle à lui. Il ne s'arrête pas, l'un l'autre écoutant, le quêteur satisfait, plus ne le presse, ainsi de la cohue il se défend. Moi j'étais tel dans cette foule épaisse, tournant vers eux, la tête ça et là, et je m'en dégageais par des promesses. Dante, le vivant qui traverse l'enfer, le purgatoire, et va vers Béatrice. Il me semblait, en marchant, faire outrage à regarder autrui sans être vu. Je me tournais donc vers mon conseiller sage, Virgile. Il savait le sens de mes paroles tues, et donc il n'attendit pas ma demande, mais dit « Parle-leur, sois bref et résolu ». Virgile marchait avec moi sur la bande de la corniche d'où l'on peut tomber, car d'aucun rebord elle ne s'enguirlande. « Mesdames, messieurs, je vous demande de faire bien attention, nous approchons maintenant de la troisième corniche. Elle est accompagnée de l'ange de la miséricorde, l'amour opposé à l'envie. C'est bien l'envie, oui, mais si votre désir se portait ailleurs, par amour pour la haute sphère des cieux, vous n'auriez pas cette inquiétude au cœur. L'envie... la convoitise, car plus à dire notre on est nombreux, plus les biens pour chacun sont décuplés et plus de charité brûle en ce lieu. Mais Dante, lui, plus d'un doute occupe sa pensée. Pourquoi dis-tu qu'un bien distribué à plusieurs possédants les enrichit plus que si peu d'entre eux le possédaient ? Et lui, à moi, parce que ton esprit n'est fixé que sur ce qui est terrien, de la vraie lumière, une ombre tu saisis. Cet infini et ineffable bien qui est là-haut, d'amour et précurseur, comme sur corps brillant un rayon vient. Il se donne autant qu'il trouve d'ardeur, si bien que plus la charité s'étend, plus s'y accroît l'éternelle valeur. Et autant de fois que là-haut on s'éprend, plus il y a à aimer, plus on aime, et l'un comme un miroir à l'autre tend. Si ne te rassasie pas mon théorème, tu verras Béatrice pleinement apaiser ta faim et d'autres de même. Fais en sorte que s'effacent prestement, comme deux le sont déjà, les cinq plaies qui se referment seulement en souffrant. Merci Jacques Bonafé. Vous continuez aujourd'hui jusqu'à demain vos lectures du Purgatoire de Dante.